Vous avez soufflé sur la cartouche, c'est bon? Alors bienvenue dans Nostalgique, le podcast qui redonne vie aux jeux qu'on pensait oubliés. Allez, appuyez sur Start, on y va! Il y a un peu plus de 6 mois, j'ouvrais la nouvelle saison de Nostalgique avec un épisode consacré au premier Dark Souls. Un jeu fondateur, mythique, une œuvre devenue culte au fil des ans et qui continue de faire vibrer bien des joueurs, moi y compris. J'y parlais de ce cycle, de mythe, d'éternel retour, de feu, de ténèbres, de dieux oubliés. Et si j'avais ouvert la saison avec lui, ce n'était pas par hasard. Dark Souls a cette force d'un commencement. Même dans la mort, il donne le sentiment qu'on agit pour quelque chose de plus grand que soi. Depuis cet épisode, une autre aventure s'est déroulée en parallèle. Une aventure plus longue, plus morcelée et plus étrange aussi. Une aventure que nous avons vécue ensemble, épisode après épisode, dans l'ombre portée de ce premier feu. Dark Souls 2. Et elle est aujourd'hui terminée. Et aujourd'hui, je veux lui consacrer, à son tour, un épisode entier. Pas un épisode narratif comme ceux que vous avez pu écouter dans la série précédente, non. Un épisode plus libre, plus personnel et plus analytique aussi. Je veux revenir sur ce jeu à part, parler de ses mécaniques, de sa création, de sa réception, mais aussi de ce qu'il m'a fait ressentir et de ce qu'il m'a appris. Parce que Dark Souls 2, au fond, ne parle pas de victoire. Il ne parle pas de sauver un monde, ni même de le comprendre, il parle d'oubli. De ce qu'on perd en marchant, de ce qu'on tente de retenir alors que tout autour de nous s'efface peu à peu. Et si ce jeu m'a touché aussi profondément, c'est sans doute parce que je l'ai pris dans une période où l'oubli me faisait peur. Cela fait maintenant un an, jour pour jour à la sortie de cet épisode, que mon père est mort. Un an que je redoute plus que tout d'oublier sa voix, son visage et ses gestes. Un an que je me demande comment on fait pour continuer à vivre sans trahir la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Un an que je me débats avec cette idée simple, mais brutale, on finit tous par s'effacer. Alors, j'ai repris Dark Souls 2. Pas pour me distraire, mais pour m'accompagner. Et j'ai compris peu à peu que ce jeu, si décrié, si particulier, ne parlait pas de grandes quêtes ou de héros maudits. Il parlait de nous, de ce que c'est, au fond, que de survivre, de ce que c'est que de perdre, d'avancer, d'oublier et parfois de se souvenir. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce jeu comme d'un miroir. Un miroir brisé à travers lequel on entrevoit des éclats de ce qu'on a été. Je vais vous parler des mécaniques, du monde et de l'ambiance. Mais surtout, je vais vous parler de ce qu'on emporte avec soi et par conséquence, de ce qu'on laisse derrière. Alors, bienvenue dans Nostalgique, et aujourd'hui, on entre dans Dark Souls 2. Et ce que je veux savoir, ce n'est pas comment le jeu se termine, mais ce qu'il nous reste quand tout le reste a disparu. Alors oui, on va parler de Dark Souls 2, mais pas seulement de ce que j'y ai vécu, pas seulement de ce que ce jeu a réveillé en moi. On va aussi parler de lui, en tant que jeu, bien sûr, de ce qu'il est, de ce qu'il a tenté d'être, et peut-être pourquoi il dérange encore, ou en tout cas, pourquoi il n'est pas apprécié. Car Dark Souls 2, eh bien c'est un jeu étrange et souvent incompris. Un jeu orphelin de son créateur d'origine, rejeté par certains, défendu par d'autres, mais qui à sa manière ose aller bien plus loin que son grand frère. Il ne cherche pas à briller, non, il s'enfonce, il s'égare, et pire que tout, il insiste. Alors, avant de revenir sur ce que j'y ai ressenti, prenons un peu de recul, et regardons ce jeu dans son ensemble, dans son contexte et dans son architecture, dans ce qu'il a de profondément à part. Lorsque Dark Souls 2 est sorti en 2014, il a dû faire face à un défi de taille. La barre avait été placée très très haut par son prédécesseur, un jeu qui avait non seulement révolutionné le genre action RPG, mais aussi transcendé le médium vidéoludique pour devenir une expérience presque mystique. Mais ce second volet ne bénéficiait pas du même souffle créatif. Hidetaka Miyazaki. Le créateur visionnaire du premier Dark Souls avait quitté temporairement la direction pour se consacrer à un autre projet, ce qui allait devenir Bloodborne. Cette absence a laissé un vide, une incertitude palpable sur la capacité de From Software à renouveler la formule sans son maître d'œuvre. Pourtant, loin d'être une simple suite ou un copier-coller, Dark Souls 2 s'est affirmé comme une œuvre fondamentalement différente, plus humaine et plus humble. Loin de la quête héroïque et prophétique qui définissait le premier jeu, où le joueur était un élu chargé de raviver la flamme, sauver le monde ou de le condamner. Dark Souls 2 propose une expérience plus introspective, presque mélancolique. Ici, le personnage n'est plus un héros au centre d'une légende et d'une prophétie, donc, mais plutôt un porteur de malédictions parmi tant d'autres. Un voyageur anonyme errant dans un royaume dévasté et oublié. Cette tonalité plus intime résonne avec ce que je vis aujourd'hui. Un an après la disparition de mon père, j'ai retrouvé dans ce monde brisé une sorte de miroir. Un lieu où l'on ne sauve rien, où l'on ne change rien, mais où l'on cherche simplement à comprendre ce que signifie continuer d'exister dans un monde qui s'efface. L'univers de Dark Souls 2 est fragmenté et presque halluciné. À l'image d'un rêve flou, où les paysages s'entremêlent, les temps se superposent et les frontières entre réel et souvenir s'effacent. Les ruines, les châteaux, les forêts et les abysses ne forment pas un royaume cohérent, mais un patchwork de souvenirs perdus. Un écho lointain de royaumes anciens que l'on devine plus qu'on ne voit. Dranglake, la région principale, n'est pas un lieu vivant, mais un vestige de ce qui fut. Une mémoire déformée et à moitié oubliée. On y croise des fantômes, des échos, des silhouettes fanées de gloire passée, autant de rappels que ce monde n'est plus que le reflet de ce qu'il était autrefois. Et c'est cette notion d'écho qui relie profondément Dark Souls 2 à son prédécesseur. Le premier Dark Souls était centré sur un feu qui menace de s'éteindre, sur le choix crucial de le raviver ou de le laisser s'éteindre définitivement. Une métaphore puissante du cycle de la vie, de la mort et du renouveau. Dans Dark Souls 2, ce feu n'est plus au cœur de la lutte. Il est un souvenir lointain et un bruit sourd au fond d'un tunnel. Le joueur n'est plus un acteur d'un grand cycle mythologique, mais un être solitaire, cherchant un sens dans la désolation, tentant de se raccrocher à ce qui reste, des bribes de mémoire, des couronnes dispersées et des âmes éparpillées. Cette différence fondamentale donne au jeu une tonalité plus philosophique, presque existentialiste. Il invite à une forme de contemplation, de méditation sur le temps qui passe, sur la perte et sur la mémoire qui s'efface. La mort omniprésente n'est plus simplement une mécanique de difficulté, mais une métaphore poignante de notre propre fin. Ce choix artistique et narratif a divisé les joueurs et la critique. Certains ont regretté l'absence du souffle épique et du sens profond du premier opus, reprochant à Dark Souls 2 d'être trop décousu, moins maîtrisé et parfois même froid. D'autres ont, au contraire, vu dans cette approche plus humaine et plus intime, une force insoupçonnée, un jeu qui, sous ses airs austères et brumeux, offre une expérience plus riche sur le plan émotionnel et réflexif. Ainsi, Dark Souls 2 n'est pas seulement une suite, mais une œuvre à part entière, plus humble et fragmentée, qui explore des thèmes que le premier n'osait pas vraiment effleurer. C'est un jeu qui s'éloigne des héros, des dieux et des cycles pour plonger dans les brumes de la mémoire, du deuil, de l'effacement et de l'humanité. Dans Dark Souls 2, le gameplay impose une expérience singulière, où chaque mouvement, chaque pas, chaque combat s'inscrit dans un rythme étiré, presque cérémoniel. Ce n'est pas un jeu qui invite à la précipitation ou à l'agilité instinctive. Au contraire, il demande patience, anticipation et maîtrise. Une danse lente et pesante au milieu d'un monde souvent hostile. Une grande part de cette lourdeur si particulière vient d'une statistique propre au système de jeu, l'adaptabilité. Peu connue des non-initiés, cette caractéristique agit comme un frein, un régulateur plus ou moins subtil mais puissant des mouvements du personnage. Elle influence la rapidité des roulades, la vitesse d'esquive, mais aussi la vitesse d'attaque et la récupération après un coup. Ainsi, un personnage à faible adaptabilité semble engourdi, lent à réagir, presque accablé par le poids de sa propre armure, de sa carcasse et de sa malédiction. Cette mécanique donne au gameplay un côté lourd et pesant, parfois difficile, mais elle installe aussi une atmosphère de réalisme brutal, où chaque geste, bien, coûte un effort, et chaque décision est lourde de conséquences. Voire parfois un peu injuste, on va quand même le dire. On n'est pas ici dans la virtuosité rapide et fluide des combats d'autres jeux d'action. On est dans la lenteur, la souffrance, le poids du corps fatigué. C'est cette lenteur qui contraint le joueur à réfléchir, à anticiper et à observer, à s'imprégner de l'environnement et des patterns ennemis plutôt qu'à foncer tête baissée. Chaque pas, chaque attaque et chaque esquive devient un acte mesuré et conscient. Cette dynamique va de pair avec la structure même du monde. À la différence du premier Dark Souls, où la géographie formait un tout cohérent et en boucle, Dark Souls 2 présente un univers fragmenté, éclaté en zones distinctes de manière aussi bien géographique que temporelle, et qui semble parfois isolé, presque déconnecté. Un monde où l'on voyage à travers des paysages très différents, parfois presque dissonants, comme autant de rêves superposés ou de souvenirs fragmentés. Cette discontinuité spatiale renforce la sensation d'errance mentale, d'errance intérieure, d'un voyage sans fin dans un monde où le temps et la mémoire s'entremêlent. Au fil de cette marche, j'ai découvert des lieux qui m'ont marqué, qui ont façonné mon expérience de jeu. Voici un bref retour sur mon petit top 5 des zones, chacune porteuse d'une atmosphère et d'un souvenir particulier. En cinquième, la forteresse oubliée. Un bastion austère et oppressant, enfermé dans un silence lourd. Ses murs abîmés, ses sentinelles de pierre, évoquent la fin d'un âge et le poids des défaites oubliées. Un lieu où chaque couloir sent la poussière du passé et la menace d'un avenir incertain. En 4, Shulva, la cité sanctuaire. Un contraste radical, une cité enterrée, riche, flamboyante, qui respire encore la grandeur d'un âge révolu. Une verticalité vertigineuse, une architecture impressionnante et une histoire profonde mêlant dieux, dragons et trahisons. Un voyage à la fois mythologique et presque sacré, baigné d'ombre et de lumière. En troisième, évidemment, comment ne pas parler de Majula. Ce petit havre, cette clairière baignée d'une lumière douce mais toujours teintée de mélancolie. Majula n'est pas qu'un camp de repos, c'est un point fixe dans le chaos. C'est un lieu qui porte en lui la nostalgie d'un foyer perdu. Le feu de camp y brûle comme une promesse fragile et une invitation à ne pas sombrer. En second, et vous serez peut-être étonné, le sanctuaire d'Amana, zone fascinante et paradoxale, où la beauté des eaux et des champs se mêle à une difficulté frustrante. Un lieu presque sacré, hanté par le chant des mille fanitos, ces voix qui apaisent et accompagnent les morts, mais aussi par la menace constante de la magie ennemie et des eaux profondes. Une traversée lente, un peu comme une marche dans un rêve où le réel vacille. Et enfin, l'ère des dragons. C'est clairement mon lieu préféré. C'est majestueux, c'est contemplatif, c'est un endroit où les dragons planent dans un ciel vaste et lumineux. C'est une zone qui invite à l'élévation, à la méditation. Là, le temps semble suspendu et la présence silencieuse de la messagère d'émeraude là-haut donne un sens profond à cette quête. C'est un moment de grâce dans un univers souvent cruel. Attention, la zone est elle-même très cruelle, on se souvient tous de cette traversée du pont où le dragon vient le casser sous nos pas et où la chute est inévitable. Et au cœur de ces zones, la mort reste omniprésente, mais elle n'est pas simplement une punition, elle devient un rappel cruel mais nécessaire. Car à chaque trépas, chaque retour au feu, on sent le poids de la malédiction s'accumuler, l'usure progressive du corps mais aussi de l'esprit. Le joueur incarne un revenant, une carcasse marquée par une malédiction tangible et progressive. Chaque mort laisse une trace, une cicatrice invisible mais bien réelle. La barre de vie maximale diminue légèrement à chaque trépas, rendant le corps plus fragile et plus vulnérable. Et on ressent physiquement cet affaiblissement progressif, cette usure inéluctable du héros qui semble s'éteindre à petit feu sous le poids de sa propre destinée. Mais ce n'est pas tout. Les ennemis eux-mêmes, bien que nombreux, ne sont pas éternels. Après avoir été vaincus une dizaine de fois, 12 peut-être pour être plus précis, ils disparaissent comme effacés de la mémoire du monde. Une disparition définitive et silencieuse qui équilibre la menace permanente d'un univers hostile. Et cette mécanique crée un équilibre subtil entre persistance et effacement, entre résistance et disparition. Et ça simplifie quand même vachement le run de hack vers les boss, il faut bien le reconnaître. Dans ce cycle, chaque combat gagné n'est pas seulement une victoire temporaire, mais un fragment de mémoire regagné contre l'oubli. Pourtant, cette victoire, toujours teintée d'une menace sourde, celle que le héros, lui aussi, s'efface peu à peu, s'amenuise, jusqu'à ce que la malédiction consume tout. Cette tension entre l'usure du corps et l'effacement des ennemis incarne parfaitement la dualité de Dark Souls 2. Un monde où la lutte pour exister se joue contre la fuite inexorable du temps et la fragilité de la mémoire. La mécanique de la malédiction dans Dark Souls 2 est une métaphore puissante de cette perte d'identité et de cet effacement progressif, une lente glissade vers l'oubli. Et c'est là que je vous livre ma réflexion, mon fil rouge, et si chaque mort n'était pas une simple défaite, mais un rappel douloureux que nous avançons dans la vie en oubliant un peu plus ce que nous étions. En perdant des fragments de nous-mêmes, parfois sans même nous en rendre compte. Le gameplay avec sa lenteur, ses combats exigeants, son rythme pesant, nous plonge dans une expérience intime. Une méditation sur la mémoire, la persévérance et la fragilité humaine. Une marche sans fin, où chaque pas est un acte de résistance face à l'effacement. Dans ce voyage qui semble parfois vain, il reste pourtant un sens fragile et éclatant, comme la flamme vacillante d'un feu de camp dans la nuit. Cette lenteur, cette pesanteur dans chaque mouvement, cette marche incessante au cœur d'un monde qui s'efface, eh bien, c'est là tout le sens du voyage dans Dark Souls 2. Une lutte contre l'oubli et une quête dans les brumes de la mémoire. Mais pour comprendre pleinement cette expérience unique, il faut revenir à l'origine même de ce jeu, à ses choix et à son histoire. Alors, explorons ensemble ce qui fait de Dark Souls 2 un jeu à part, un univers fragmenté et mystérieux où chaque pierre raconte une histoire oubliée. Au fil des pas, des morts et des renaissances, l'aventure dans Dark Souls 2 se déploie comme un puzzle épars. Ce n'est pas un récit linéaire ni une grande fresque héroïque. C'est plutôt une accumulation de fragments, de moments suspendus, de rencontres furtives et d'échos lointains. Chaque zone visitée, chaque ennemi affronté, chaque dialogue chuchoté au détour d'un feu de camp, compose un patchwork fragile, une mémoire éclatée que l'on tente de recomposer. Dans ce monde brisé, l'histoire ne se raconte pas d'elle-même, il faut un peu la chercher. Elle se devine entre les lignes, dans les détails invisibles, dans les ruines et les murmures des personnages. C'est une quête plus intime que grandiose, une exploration qui mêle souvenir et oubli. Clarté et mystère. Et je vous invite à suivre ce chemin avec moi, à plonger dans ces fragments d'aventure qui, mis bout à bout, dessinent une expérience unique. Celle d'un voyageur perdu, cherchant à donner un sens à un monde qui semble l'avoir oublié. Le voyage dans Dark Souls 2 se tisse autour d'âmes puissantes, dispersées à travers les terres en ruine, des cités désertées, des châteaux oubliés et des royaumes engloutis. Collecter ces quatre grandes âmes est bien plus qu'un simple objectif. C'est une quête pour rassembler les fragments d'un passé brisé, pour donner un sens à un monde qui s'efface peu à peu. Parmi ces terres, le château de Drangleid s'impose comme un cœur battant, majestueux et pourtant vide. Lieu de pouvoir déchu et de lutte sans fin. La crypte des morts-vivants, froide et silencieuse, résonne des échos d'un passé douloureux et des mystères d'une malédiction ancienne. Le sanctuaire draconique invite à l'élévation, un endroit où la beauté et la grandeur s'entrelacent avec le silence et le mystère. Et puis il y a les DLC, la cité sanctuaire de Shulva, la tour de brume et enfin Liumlois, chacune des pièces ajoutées à ce puzzle déjà fort complexe. Mais ce ne sont pas que des lieux. Il y a aussi des rencontres, et parmi ces rencontres, il y a Lucathiel, cette guerrière hantée par sa propre malédiction, dont les paroles mêlent douleur, ironie et courage. La messagère d'émeraude, figure énigmatique, presque omnisciente, qui guide sans imposer, observant avec une distance bienveillante. Vendrick, roi déchu, symbole d'un pouvoir creux et d'une destinée tragique. Et puis Aldia, le frère du roi, l'érudit, dur et mystérieux, dont les réflexions sur la malédiction et la nature même de l'existence plonge dans les profondeurs du savoir interdit. Et enfin, ma petite préférée, Chalcoir, la chatte blanche de Majula, cynique et sage à sa manière, figure familière qui observe en silence, portant un regard presque philosophique sur le temps, l'oubli et la mélancolie qui enveloppent ces terres. À travers ces rencontres, le voyageur se confronte à des questions plus grandes que lui, à des réflexions sur la mémoire, l'identité, la perte et la persévérance. Et au cœur de cette quête, les boss ne sont pas que des obstacles, mais des moments suspendus, des combats qui marquent l'âme et la mémoire. Et voici mon classement personnel avec leur empreinte indélébile. En cinquième, Velstadt, l'égide du roi, gardien d'un passé oublié. Son combat se déroule dans la crypte des morts vivants, entre ombre et résonance funèbre. Sa lourdeur et sa puissance imposent le respect, tandis que l'atmosphère étouffante de la salle plonge le joueur dans un sentiment d'inéluctabilité. En quatrième, son frère ennemi, Reim, le chevalier Fumeroll. Un titan de cendre et de métal, incarnant la colère brûlante d'un monde en flammes. Son combat est un balai entre puissance brute et technique, dans une arène où les cendres tourbillonnent et où chaque attaque résonne comme un coup de tonnerre. En troisième, et vous serez sans doute surpris, le chariot de l'exécuteur. Un boss original, mêlant mécanique et ambiance unique. Le combat se déroule dans une arène circulaire, semblable à un colisée, où une gigantesque meule à broyer le grain, c'est selon, dont les murs usés par le temps renforcent l'atmosphère d'une machinerie ancienne et implacable. Le chariot tourne en boucle dans cet espace clos, avançant avec un rythme lourd et mécanique. Nous devons donc faire preuve de vitesse, de précision et d'anticipation pour éviter ces attaques et saisir le moment crucial. À force d'efforts, on finit par abattre la lourde grille qui bloque la trajectoire du chariot, le forçant à dérailler, ce qui est un instant clé dans la bataille. Le fracas métallique du chariot, le grondement sourd de la machinerie et les cris lointains créent une tension constante et une sensation d'une chasse implacable et inéluctable. J'ai vraiment adoré ce combat, même s'il est un peu déceptif à la fin. En second, le chevalier miroir. C'est un combat d'une rare intensité, c'est presque une danse tragique. Ce reflet argenté, mi-humain, mi-statue, incarne la lutte contre soi-même, le double maléfique que l'on doit affronter pour avancer. La reine du château, baignée d'une nuit pluvieuse et orageuse, ajoute une couche d'ambiance lourde et dramatique. Et enfin, bon premier, Sin le dragon endormi. La confrontation ultime, un mélange de beauté terrifiante et de puissance déchaînée. Ce dragon ancestral, gardien d'un secret enfoui, déchaîne un feu noir et toxique dans un décor à la fois sublime et apocalyptique. Le combat est un crescendo d'émotions, une épreuve finale qui laisse une marque indélébile. Ce voyage à travers Dranglake et ses mystères, ses combats marquants et ses rencontres énigmatiques révèlent une vérité plus profonde, un poids invisible qui pèse sur chaque pas. Cette vérité, cette malédiction, cette ombre silencieuse qui ronge le héros et le monde lui-même. Mais la malédiction, c'est aussi une métaphore, celle du deuil, de la perte et de la mémoire qui vacille. Et c'est ce lien fragile entre le jeu et notre propre expérience humaine que nous allons explorer, et que j'ai vécu de plein fouet. Dans Dark Souls 2, la malédiction n'est pas seulement un mécanisme de jeu, une difficulté supplémentaire. Elle est la clé d'un symbolisme puissant, d'une méditation profonde sur la perte, la mémoire et l'identité. Perte d'identité, d'humanité, d'image de soi, c'est une lente disparition, un effacement progressif qui touche aussi bien le héros que le monde qu'il traverse. Pour moi, cette malédiction a pris une dimension profondément personnelle. Il y a un an, mon père est parti. Un silence est tombé. Un silence lourd et vaste comme une mer calme mais infinie. Un vide s'est installé plus qu'une absence, une résonance sourde, un espace où chaque souvenir devient fragile, où chaque image s'estompe un peu plus à chaque jour qui passe. Et il y a cette peur terrible, presque insidieuse. Et si je l'oubliais? Et si la voix qui m'a bercé, les gestes qui me guidaient, le regard qui me rassurait, s'effaçait lentement, inexorablement? La mémoire se dérobe, la présence se dissout avec le temps qui fuit, et avec elle s'envole une part de moi-même. Le deuil, c'est ce voyage sans carte, dans un paysage mouvant, fait d'ombre et de lumière vacillante. C'est une traversée où chaque pas est hésitation, où le cœur vacille entre l'attachement et la nécessité de lâcher prise. Dans ce chemin, il n'y a pas de retour possible, pas de retour à ce qui fut. Je sais qu'il ne reviendra pas. Il y a seulement l'acceptation, douce et amère, de ce qui reste, des fragments, des échos et des traces. Le deuil, c'est un peu comme ce feu de camp qu'on rallume encore et encore dans la nuit pour ne pas laisser le froid de l'oubli tout engloutir. Ce silence, ce vide qui suit la perte, cette peur sourde qui s'installe au creux du cœur, c'est peut-être ce que Dark Souls 2 éclaire sans jamais le formuler directement. Un murmure, un écho discret qui résonne sous les pas du joueur et dans les ombres du monde. Nous sommes tous, à notre manière, porteurs d'une malédiction semblable. Celle de la mort, bien sûr, cette fin inéluctable qui guette chacun de nous. Mais plus encore, celle de l'oubli. Cet effacement progressif et insidieux qui ronge les visages, les voix, les souvenirs, qui dissout lentement tout ce qui fait ce que nous étions, que nous avons été aimés, que nous avons existé. Dans l'univers brisé de Dark Souls 2, cette malédiction se manifeste dans le geste répétitif du joueur. Ramasser des âmes, des fragments d'âmes, des couronnes dispersées aux quatre vents comme on recueillerait des fragments d'une mémoire qui s'efface. Chaque âme n'est pas qu'une simple récompense, mais un éclat arraché à l'oubli. Chaque couronne, un vestige fragile d'un passé perdu, une relique qui témoigne d'une grandeur révolue. Ce geste répétitif et presque rituel est une forme de résistance, un acte désespéré pour préserver, pour conserver quelque chose dans un monde qui se délite. Un combat silencieux contre le vide qui veut engloutir, contre ce néant qui efface les traces et disperse les mémoires. Le joueur devient alors un archiviste involontaire, un gardien de fragments épars, un veilleur de cendres. Et à travers cette quête, il exprime un besoin profond, humain et universel, ne pas disparaître sans laisser de traces. Parce qu'au fond, ce qui nous sauve peut-être de l'oubli, c'est ce que nous choisissons de garder vivant en mémoire. La quête des couronnes dans les DLC devient alors un acte désespéré, presque tragique, ce souvenir, un combat contre le temps qui détruit tout et un effort pour préserver ce qu'il en reste. Et pourtant, à la fin, il n'y a pas de triomphe, on ne ravive rien, on ne sauve personne et on repart. Le héros, libéré de la malédiction, reprend sa route, le cœur à peine plus léger, pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a accepté. Il a accepté la perte, le vide et le cycle brisé. Cette acceptation, cette fragile lumière dans l'obscurité, résonne puissamment avec la figure de Vendrick. Ce roi déchu, ce géant fatigué qui n'est plus que l'ombre de lui-même, confesse ses échecs, ses failles et ses renoncements. Il admet avoir failli, ne pas avoir su sauver son royaume, ne pas avoir empêché la chute, et son message pour moi ressemble à cette phrase de mon père que j'entends encore résonner. « Je t'explique où j'ai échoué pour que tu ne fasses pas la même erreur. » Ces mots qui résonnent comme un ultime testament brisent l'idée même de cycle éternel char à Dark Souls 1. Ce cycle où tout recommence sans fin et où le feu se ravive ou s'éteint à l'infini. Dans Dark Souls 2, ce cycle est fissuré, remplacé par cette transmission douloureuse, cette mémoire fragile certes mais nécessaire. Ce n'est plus la répétition aveugle, mais la conscience de l'échec et la volonté fragile d'avancer et de progresser et d'évoluer malgré tout. La malédiction devient alors cette lutte silencieuse contre l'oubli. Une lutte que l'on s'est perdue d'avance, mais que l'on mène pour honorer ce qui fut. C'est aussi la reconnaissance de l'impossibilité de tout retenir, de tout sauver. c'est l'acceptation de la perte, du vide, mais aussi la gratitude pour tout ce qui nous reste. Un fragment, une parole, une lumière vacillante. C'est une invitation à continuer le chemin. Pas malgré tout, mais avec tout. Avec tout cela, avec ce poids, avec cette mémoire, avec cette blessure. Car avancer, c'est aussi vivre, c'est aussi laisser une trace, aussi fragile soit-elle, dans ce monde qui s'efface. Après ce long voyage à travers les brumes de la malédiction et du deuil, après avoir confronté l'ombre de l'oubli et le poids du silence, il reste une lumière, ténue certes, mais réelle, celle qui perce l'obscurité. Cette lumière, ce n'est pas une victoire triomphante, ni une fin éclatante. C'est un souffle, un commencement fragile, une promesse à peine murmurée, un rire d'enfant. Dark Souls 2 ne nous laisse pas un monde sauvé, mais un chemin ouvert. Une invitation à avancer malgré la douleur, à continuer à écrire notre histoire, à porter la mémoire et à vivre pleinement avec ce qui nous reste. Allons ensemble explorer ce que ce jeu, si souvent incompris, nous offre au-delà des ténèbres. Cette lumière discrète et cette force humble, ce legs d'humanité. À la fin de ce long périple, quand le feu de camp s'éteint enfin, que la manette repose doucement entre nos mains fatiguées, une vérité simple et presque imperceptible se fait jour. Le monde autour de nous, avec nos propres ruines silencieuses et nos ombres dansantes, n'est plus seulement un champ de bataille ni un lieu de souffrance, mais c'est un écrin fragile où la beauté jaillit parfois comme une flamme vacillante dans la nuit. Il y a ces paysages, vastes et poignants, qui nous saisissent et nous élèvent. Les marais baignés d'une lumière bleutée d'Amana, où la magie et l'eau s'entrelacent dans une danse lente et mystérieuse, l'air des dragons, royaume des cieux où les créatures majestueuses glissent dans le vent, portées par une mélodie silencieuse, un lieu où la grandeur se mêle à l'éphémère, où l'on sent que le temps lui-même suspend son souffle. Et dans ces instants, le jeu cesse d'être un simple défi, un casse-tête d'ennemis et de pièges, non, il devient une expérience sensorielle, un voyage dans un univers où chaque texture, chaque souffle de vent, chaque note de musique participe à une symphonie fragile. La lumière qui filtre à travers les feuillages, le scintillement d'une eau calme, la froideur d'une pierre millénaire. Tout cela nous touche d'une manière presque instinctive, une beauté douce amère qui reste gravée bien après la fin de la partie. Mais Dark Souls 2 ne serait rien sans ses voix, ses murmures qui viennent briser le silence. Les rencontres avec des personnages dont les paroles résonnent comme des échos de nos propres questionnements. Il y a Lucatiel, bien sûr, cette guerrière à la voix tremblante, aux mots pleins de doute et de résilience, qui nous parle de la peur de perdre sa propre identité, de la lutte pour garder un souvenir de soi-même au milieu de la malédiction. Elle est un miroir de notre propre fragilité, une compagne de voyage aussi fragile que déterminée. Il y a aussi Vendrick, ce roi fatigué, qui confesse son échec avec une humilité rare. Il n'est pas un héros glorieux, mais un homme marqué par le poids du pouvoir et la solitude de la défaite. Ses paroles, lourdes de sens, nous invitent à réfléchir sur la nature même du pouvoir, de la responsabilité et du renoncement. Dans son regard, on peut lire l'ombre d'une sagesse douloureuse, une invitation à accepter ce qui ne peut être changé. Et enfin, la figure féline de Chalcoir, qui ponctue ce monde de son cynisme mordant et de sa sagesse mystérieuse. Elle nous offre un regard distancié, presque philosophique, sur le temps qui passe, la mémoire qui s'efface et la nécessité d'avancer malgré tout. Sa présence ajoute une touche unique, presque magique, à cette quête d'humanité perdue. Et au-delà des personnages et des paysages, Dark Souls 2 nous parle aussi par ses mécaniques. La difficulté, l'adaptabilité, la gestion des ressources, tout participe à cette sensation d'effort constant, de lutte pour progresser dans un monde qui semble parfois vouloir nous oublier et ne pas nous obéir. Le ramassage des âmes, la collecte des fragments, les quêtes pour réunir les couronnes des anciens rois, tout cela devient une métaphore puissante de notre propre combat contre l'oubli. Chaque âme est un souvenir conservé. Chaque couronne, un fragment d'histoire sauvé. Et la réussite n'est pas dans la conquête, mais dans cette persévérance silencieuse, ce refus de se laisser effacer et de laisser l'histoire s'effacer. La dernière image du héros, libéré de la malédiction qui repart sur son chemin, symbolise cette paix fragile que nous cherchons tous. Non pas un triomphe éclatant, mais une forme d'acceptation, un pas après l'autre, dans l'obscurité et la lumière mêlées. Ce chemin, cette lumière, ce que Dark Souls 2 nous laisse, c'est une leçon d'humilité, de résilience et, bien sûr, d'humanité. Un rappel que la vie, malgré ses pertes et ses douleurs, eh bien, elle vaut d'être vécue. Que chaque instant est précieux, que chaque souvenir, chaque trace laissée compte. Dans un monde souvent marqué par l'oubli, par la fuite du temps, Dark Souls 2 nous offre une raison d'espérer. Celle de continuer à avancer, porteur de mémoire et porteur de lumière. Nous voilà enfin au terme de ce long voyage. Depuis 6 mois, je vous parle toutes les semaines de Dark Souls 2 et bien c'est terminé. C'est un chemin que nous avons parcouru ensemble, pas à pas, à travers les ténèbres mouvantes et les lueurs fragiles de Dark Souls 2. Ce jeu n'est pas qu'une succession d'épreuves, ni un simple défi pour joueurs aguerris. Il s'est révélé être une énigme profonde, un miroir brisé, où chaque éclat reflète un fragment de notre propre existence. Dans ces ruines silencieuses, dans ces combats éprouvants, dans ces âmes perdues et ces héros fatigués. J'y ai trouvé, sans l'attendre, un compagnon discret pour traverser mon propre deuil. Un langage muet pour dire ce qui souvent échappe aux mots. Il y a dans ce monde un souffle, une présence invisible qui nous parle, ou en tout cas qui m'a parlé. Une invitation à embrasser le vide, à accepter la fragilité de la mémoire et de l'humanité, et à ne pas craindre la fin, mais à honorer le chemin parcouru. Je ne sais pas si le temps effacera un jour ce que nous avons vécu, ni si je serai moi-même un souvenir un jour oublié. Mais ce que je sais, c'est que j'ai marché, que j'ai avancé, même quand les pas me semblaient lourds, dans un monde qui vacillait, entre ombre et lumière et entre oubli et souvenir. Et je ne parle pas forcément que du jeu, évidemment. Ce chemin, cette trace et ce fragment de vie, ils ne disparaîtront pas dans le silence, ils restent inscrits quelque part. Sur la console, quelque part dans mes veines, quelque part dans mes oreilles, quelque part sur le net, là où vous m'écoutez actuellement. Dans la lueur tremblante d'un feu de camp qui jamais vraiment ne s'éteint, dans les mémoires fragiles d'un joueur qui a tenu bon face à l'obscurité. Peut-être que la malédiction dont parle le jeu, ce poids invisible qui ronge le héros et son monde, n'est pas ce qui nous tue en fin de compte, mais ce qui nous pousse à avancer, à chercher une lumière dans le noir, à perdre et à retrouver, à chérir ce qui reste et à vivre simplement. C'est là, dans cette quête humble et silencieuse, que réside la véritable victoire. Non pas dans la conquête, non pas dans la gloire, mais dans la capacité à continuer. À porter en soi la mémoire, l'amour, la douleur, et à tracer son chemin dans l'infini. Alors, eh bien, merci Dark Souls 2 pour cette leçon d'humanité, pour cette invitation à ne pas renoncer et pour ce voyage intérieur qui s'est tissé au fil des centaines d'heures, au fil des combats et au fil des silences partagés. Au-delà du jeu, au-delà des pixels et des épreuves, tu es devenu une part de moi, un refuge et un éclat de lumière dans la nuit, un témoignage que même dans l'oubli, quelque chose persiste, quelque chose qui mérite d'être vécu, d'être aimé et d'être raconté. Et maintenant que tu m'as aidé, alors que ce chapitre se referme doucement, eh bien je te laisse avec cette pensée simple et puissante. Dans chaque fin, il y a un commencement. Dans chaque ombre, il y a une étincelle de lumière, et dans chaque silence, une promesse de souvenir à venir. Nous ne sommes jamais vraiment seuls sur ce chemin. La mémoire, l'amour et les histoires partagées, tout cela nous porte, nous éclaire et nous relie. Alors, continuons à avancer, à chercher et à vivre, avec courage, avec douceur, avec humanité, avec bienveillance, avec la certitude que même, au cœur de la nuit la plus noire, et putain que les nuits sont noires en ce moment, une lumière finit toujours par percer. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et à très bientôt pour un nouveau voyage quelque part entre les mondes. Et si, comme moi, vous avez été touché par ce jeu, ou si vous voulez juste en parler, je suis toujours trouvable sur les réseaux sociaux, sur Galaxy Pop, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur Dark Souls 2, que vous n'avez pas écouté toute la série Un feu qui vacille, abonnez-vous au podcast et allez l'écouter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Même endroit, même heure, et pour parler d'un jeu peut-être un peu plus léger. Salut à tous et merci d'avoir écouté. T'aimes le cinéma, mais t'en as marre qu'on te parle de films que t'as pas vus et qu'on spoil en plus?